Écoutez Radiovision 2000 sur www.radiotelevision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radiovision 2000, la radio qui vous écoute. qui contente tap ça. Qui contente tap ça. Ou ta prime en pile. Facilité ak rapidité n'ap cherché. C'est peut-être ça. Unibank vient avec option paiement QR là sous application Unimobile. Depuis moun ou paye ya, Unimobile tout, c'est ouvert application, scanner code là, sortant de ya, fit. Transaction faite là pour là. Pour recevoir l'argent, c'est même principe là. Grâce à option ça, ou pas besoin marcher ak l'argent cash nan men ou encore. Li rapide, li facile et li sécurisé. Téléchargez l'application Unimobile la Jodia sous Play Store ou bien App Store. Pour garder vidéo sur comment vous faites transaction ça, montez sur YouTube et puis tapez Unibank SA. C'est même côté nous pour aller, on fait route là ensemble avec Unibank. Avez-vous l'impression que votre entreprise est bloquée dans les années 80? Dossiers, papiers, téléphone fixe, internet lent, ça vous parle? Pas de panique. Avec Access IT Solutions d'entreprise, modernisez votre infrastructure et faites évoluer vos opérations. Bien plus que simple accès à Internet, nous vous proposons une gamme complète de produits et de services conçus pour accompagner la transformation digitale de votre entreprise. Que vous soyez dans la manufacture, les services bancaires, le commerce de détail ou encore dans une organisation publique ou privée, nous avons les solutions pour vous. Sécurisez vos données, transférez à grande vitesse, supportez le télétravail. Automatisez vos opérations ou surveillez vos locaux en temps réel. Access IT Solutions d'entreprise, c'est l'innovation au service des petites, moyennes et grandes entreprises. Appelez-nous dès aujourd'hui au 28 12 60 00 pour parler à un expert. La première consultation est gratuite. Access IT Solutions d'entreprise, votre seul chemin vers le futur. À marcher à poisson pays ou même quatre travail qui toujours fatigué, nous pour des solutions pour aujourd'hui. N'importe quoi on est, nous nous atomique. Mais atomique maman, mais atomique chérie. Oh oui c'est bon après, y'a cherché énergie. Tout pays a ouais atomique, et c'est énergie. Ouais atomique, si mon maman ici. Ouais atomique, quoi que travail ici. Ouais atomique, atomique ouais non mais, atomique café. Atomique force malheur, craquer tourner. Tout pays a ouais atomique, les frais énergie. Ouais atomique, mon maman ici. Ouais atomique, moi qui travaille ici. Ouais atomique, tout ceci, c'est atomique lié. Atomique, un produit séjourné. Vous avez parlé de sexy cell électronique, eh bien, je viens avec une bonne nouvelle pour là. Je connais où tu as besoin de matériel électronique. Eh bien, viens jouer nous là. Pour faire réparation téléphone, tablette, laptop avec un paquet de notre bagage encore. Oui, sans mime, nous c'est sexy cell électronique. Service nous plus fiable, plus simple et plus garanti. Bonjour, nous numéro 263, autour d'Elma 53, en face pour 42. Téléphone 3735 91 84, 3778 60 93. Ou bien suivre les. C'est mon yon glifa qui tire ça, ou met à checker. Pour m'ta gete fait un transfert Unibank pour yo en voie fait semaine nan. Bon, qui j'aimerais faire ça là même pendant m'bagay machine nan. Ouais Claudie, dat m'a dit ou pour activer sous app Unimobile Unibank ou pas tande. Même gè une solution pour ou. Ou gè 4 débit Unibank ou pas vrai? Oui m'gèl. Et bien mon cher, si 4 débit Unibank ou, c'est qu'à chance ou lié nan moment. C'est lui qui permet ou inscrit sous Unimobile pour faire en pile transaction online sans pas besoin d'annoncer. Et qui j'aime qu'à faire ça même? Bien facile, Claudie. À smartphone ou en télécharger application Unimobile sur App Store ou soit Play Store ou et puis tout choisir option pour inscrire à 4 débit Unibanco. Dans yon délai qui pas plus passer 2 jours ou tout connecté sur Unimobile. Full sécurité sans pas même besoin de déplacer. Gato, bonne nouvelle ou saute bon moi major. C'est un bagage vite et bien rapide. Unibank a facilité pendant la pensée pour nous. C'est même côté de braler. On fait route là ensemble à Unibank. Ministère éducation nationale et formation professionnelle fait tout directeur l'école, élèves, ensemble avec parents, songez, date examen l'État a organisé à NESA. Sorti 30 juin, rivé 3 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 30 juin pour rivé 4 juillet, examen pour élèves l'école normale institutaire et élèves centre éducation familiale. Sorti 14, rivé 17 juillet, examen fin études secondaires pour nouveaux élèves classe philo et secondaire 4. Et puis, examen 2e session pour élèves récalés baccalauréat. Sorti 7 juillet pour rivé 1er août, examen pour élèves centre formation technique et professionnelle. Ministère éducation nationale et formation professionnelle comptez sous collaboration tout le monde pour examen l'état yo bien passé dans intérêt toute société. Écoutez Radiovision 2000 sur www.radiotelevision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio, Radiovision 2000, la radio qui vous écoute. Ça Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sous la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi Radio Vision 2000.